Pendant ce temps-là, le petit Gavroche, qui seul n'avait pas quitté son poste, était resté en observation, croyait voir des hommes s'approcher à pas de loup de la barricade. Tout à coup, il cria « Méfiez-vous !» Tout sortir en tumulte du cabaret. Des gardes municipaux de haute taille pénétraient par la coupure de la barricade, poussant devant eux le gamin, qui reculait mais ne fuyait pas. Une seconde encore, et la barricade était prise. Le plus grand de tous, une espèce de colosse, marchait sur Gavroche, la baïonnette en avant. Avant que la baïonnette eût touché Gavroche, une balle avait frappé le garde municipal au milieu du front et tombait sur le dos. Une seconde balle le jetait sur le pavé. C'était Marius qui venait d'entrer dans la barricade. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse, près de la porte. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius était entré dans la salle basse et avait pris le baril de poudre. Maintenant, tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, pelotonnés à l'autre extrémité de la barricade, le regardaient avec stupeur, le pied sur les pavés, la torche à la main. Marius, sur cette barricade, après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution, après l'apparition de la vieille. Et il approcha la torche du baril de poudre. La barricade était dégagée. Tous entourèrent Marius. Comme l'inspection faite, il se retirait. Il entendit son nom prononcé faiblement dans l'obscurité. « Monsieur Marius !» Il se courba et vit dans l'ombre une forme qui se traînait vers lui. « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non. » « Éponine !» Marius se baissa vivement. C'était en effet cette malheureuse enfant. Elle était habillée en homme. « Comment êtes-vous ici ? Que faites-vous là ?»« Je meurs, » lui dit-elle. « Qu'avez-vous donc à la main ?»« Elle est percée. »« Percée ?»« Oui. »« De quoi ?»« D'une balle. » Marius eut un frémissement. « Quelle folie ! Pauvre enfant ! Laissez-moi vous porter sur un lit. On va vous panser. On ne meurt pas d'une main percée. » Elle murmura. La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. « C'est inutile de m'ôter d'ici. Je vais vous dire comment vous pouvez me panser, mieux qu'un chirurgien. » « Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. » Il obéit. Elle posa sa tête sur les genoux de Marius et sans le regarder, elle dit « Oh, que c'est bon. Comme on est bien. Voilà, je ne souffre plus. » « Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez donné 100 sous et je vous ai dit « Je ne veux pas de votre argent. » « Vous souvenez-vous, monsieur Marius ?»« Oh, je suis heureuse. Tout le monde va mourir. » Elle avait un air insensé, grave et navrant. Sa blouse déchirée montrait sa gorge nue. Elle appuyait en parlant. Sa main perçait sur sa poitrine, où il y avait un autre trou, d'où il sortait par instant un flot de sang. En ce moment, la voix de jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade. L'enfant était monté sur une table pour charger son fusil et chanter gaiement la chanson alors si populaire. En voyant Lafayette, le gendarme répète « Sauvons-nous ! Sauvons-nous ! Sauvons-nous !» Éponine se souleva et se tourna vers Marius. « Mon frère est là. Il ne faut pas qu'il me voie. Il me gondrerait. » « Votre frère ?» demanda Marius, qui songeait dans le plus amer et le plus douloureux de son cœur au devoir que son père avait légué envers les Thénardier. « Qui est votre frère ?»« Le petit. »« Celui qui chante ?»« Oui. » Marius fit un mouvement. « Oh, ne vous en allez pas, » dit-elle. « Cela ne sera pas long à présent. »« J'ai dans ma poche une lettre pour vous. Depuis hier, on m'avait dit de la mettre à la poste. Je l'ai gardée. Je ne voulais pas qu'elle vous parvienne. Prenez votre lettre. » Marius prit la lettre. « Maintenant, pour ma peine, promettez-moi. » Elle s'arrêta. « Quoi ? Promettez-moi. Je vous promets. Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je le sentirai. » Elle laissa retomber sa tête sur les genoux de Marius et ses paupières se fermèrent. Tout à coup, à l'instant où Marius la croyait à jamais endormie, elle ouvrit lentement ses yeux et lui dit, avec un accent dont la douceur semblait déjà venir d'un autre monde. « Et puis tenez, monsieur Marius, je crois... que j'étais un peu amoureuse de vous. » Elle essaya encore de sourire et expira. Marius tint sa promesse. Il déposa un baiser sur ce front livide où perlait une sueur glacée. Ce n'était pas une infidélité à Cosette. C'était un adieu pensif et doux à une âme malheureuse. Puis, la lettre était un petit billet, plié et cacheté avec ce soin élégant des femmes. L'adresse était d'une écriture de femme et portait « À monsieur, Monsieur Marius Pontmercy, chez Monsieur Courfeyrac, rue de la Verrerie, numéro 16. » Il défit le cachet et lut. « Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir, rue de l'Homme Armé, numéro 7. » Dans 8 jours, nous serons en Angleterre. Cosette, 4 juin. Marius couvrit de baisers la lettre de Cosette, puis il se dit, elle part. Son père l'amène en Angleterre, et mon grand-père se refuse au mariage. Rien n'est changé dans la fatalité. Marius écrit alors ce billet. Notre mariage était impossible. J'ai demandé à mon grand-père. Il a refusé. Je suis sans fortune, et toi aussi. J'ai couru chez toi. Je ne t'ai plus trouvé. Tu sais la parole que je t'avais donnée, je la tiens. Je meurs. Je t'aime. Quand tu liras ceci, mon âme sera près de toi, et te sourira. Et il fait porter ce billet par Gavroche à Cosette, cette rue de l'Homme armé.